Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien sur Radio Guémozo le lundi 8h-13h30. Alors, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est une saga que vous devez connaître si vous aimez les animés et les mangas. C'est Dragon Ball, évidemment, l'incontournable. Donc Dragon Ball fait ses débuts dans le Weekly Shonen Jump en 1984. Et après, sort en manga traditionnel le 20 mai 1995 au Japon. En France, l'éditeur français, et c'est Jelena. Après, la série est adaptée en animé parce qu'il y a un bon succès. Donc la série initiale s'appelle Dragon Ball Z. Elle a 42 tomes. Et cette série, c'est la deuxième série la plus vendue en termes de manga. Il y a quand même 230 millions d'exemplaires écoulés en 2013. Hein. Bon, la plus vendue, c'est One Piece, que vous devez connaître normalement aussi, peut-être. Voilà. Donc maintenant, parlons un petit peu de l'anime. Donc celle-ci se divise en deux parties. Dragon Ball, pour la jeunesse de Sangoku, qui est accessoirement le héros Dragon Ball, hein, de Dragon Ball. Et Dragon Ball Z, pour quand Sangoku est adulte et ses combats et compagnie. Après, il existe aussi trois autres animes. Dragon Ball GT, qui est une suite alternative à Dragon Ball Z. Dragon Ball Z Kai, qui se présente comme une nouvelle version anime de Dragon Ball Z. Et voilà. Et là, vous vous dites, mais t'avais dit 3 et t'en as cité que 2. Bah attendez, je vous mets en scène le 3ème et vous allez comprendre, faut que j'introduise. Donc le 20 mai 2015, Akira Toriyama sort Dragon Ball Super, qui est une suite directe à Dragon Ball. Donc pour l'instant, il y a 5 tomes sortis en version initiale, qui est le japonais, et 3 tomes en version française. Et évidemment, la série en animé, malheureusement, c'est fini à l'épisode 131, le 25 mars 2018. Parce que évidemment, vous savez, les animés, ils finissent toujours avant les mangas, malheureusement. Bon, voilà. Mais, un nouvel anime, donc une suite, a été annoncé pour cet été. Il y a pas longtemps. D'ailleurs, au moment où vous devez écouter cette chronique, il devrait avoir plus de... Comment pourrait-on dire ça ? Plus de précisions sur cette série. Mais les précisions que j'avais déjà lues ce matin même, d'ailleurs, qui m'ont été annoncées, c'est que comme quoi il y a Trunks qui serait venu du futur pour s'entraîner avec Sangoku. D'un coup, il disparaît. Et il y a un homme bizarre du nom de Kai qui arrive pour dire qu'il est détenu dans une planète prison. Après, Sangoku et compagnie, ils arrivent là-haut pour le libérer et il y a des bagarres. Et voilà. Bon, un peu Dragon Ball, quoi, après. Bon, voilà. Bon. Comme toute chose très connue, la série est adaptée en film, évidemment. Il y a deux adaptations majeures, on va dire, si je me rappelle bien. Donc, il y a Dragon Ball Evolution et Dragon Ball, le film, La Légende des 7 boules de cristal. Bon, j'aimerais revenir rapidement sur Dragon Ball Evolution. Personnellement, j'ai vu aucun des deux films. Mais j'ai des potes fans qui l'ont vu et j'ai regardé des avis. Et apparemment, Dragon Ball Evolution, comment dire, il était tellement pas génial que même le créateur Akira Toriyama, j'arrive pas à me prononcer, Toriyama, a été déçu et a avoué qu'il était vraiment pas génial. Franchement, je l'ai pas encore vu. Bon, apparemment, il est franchement pas terrible. Donc si jamais vous voulez vous voir un bon film Dragon Ball, matez-vous les animes parce que le film là, il a pas l'air génial. Voilà, donc c'est pas... Voilà. Après les films, évidemment, parlons des jeux vidéo. Parce que qui dit grande série dit aussi adaptation en jeux vidéo. Donc Dragon Ball a eu droit à près de 73 jeux vidéo, ce qui est assez beaucoup. Mais aussi bien sur Apple et sur Android, hein, que sur PS4, Xbox One, DS, Nintendo Switch, PS3, bande d'arcade, NES, Super Nintendo, Mega Drive, PS1, PS2, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, et j'en oublie sûrement, et voilà. Et j'en oublie pas mal, ouais, sûrement, parce qu'il y en a plein d'autres. La NES aussi, je sais plus si je l'ai cité, bon voilà. Et j'ai aussi remarqué un petit peu dans la liste que Nintendo aime franchement Dragon Ball, parce que dans les années 2005-2010, il y a quand même pas mal de Dragon Ball qui sont sortis sur NES, sur DS et sur Game Boy. J'ai remarqué ça. Après, avec l'arrivée de la PS2, PS3, il y a aussi pas mal de jeux de combat, plus, qui sont arrivés. sur pour Dragon Ball quoi. Voilà. Donc franchement, la série en manga est toujours en cours. Et voilà. Donc c'est une saga série que je vous conseille très fortement. Si jamais vous ne l'avez encore jamais lu, car selon moi c'est l'une des meilleures. Hein, franchement, c'est franchement l'une des meilleures. Après, s'il y a quelques chiffres dans lesquels je me suis trompé, s'il y a des connaisseurs qui sont là, vous m'excuserez. Mes chiffres ne sont peut-être pas totalement exacts. J'ai pu me tromper dans des endroits parce qu'il fallait compter et tout. C'était voilà. J'ai pu en zapper un ou deux, donc vous m'excuserez si jamais je me suis embrouillé quelque part, parce que c'est un sacré méli-mélo. Après, j'ai oublié de citer évidemment tous les produits dérivés, les figurines, les t-shirts, les figurines pop, les BD. Il y a une BD sur Dragon Ball, je crois. Les choses autres des personnages, les dizaines de personnages, les BD qui racontent des trucs sur les personnages, enfin, des choses diverses et variées. Voilà, bon. Bien, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. C'était Aurélien. Au revoir.